Elle éteint, commence à se rafraîchir, dit la poétesse Chao Suqian. Allons attendre la lune à l'ouest du pavillon des couleurs éclatantes. Déjà nous caresse le visage, la laine parfumée, des yeux. Déjà, on ne fait plus cette chaleur dans la chambre de bois de l'arbre de la cannelle. Est-ce que quelqu'un pourra venir chanter un poème dans son palace fait de neige, de très pur parfum remplissent les pavillons. Les fentes de la pastèque, on le dirait des jades. Quoi que penser, la montre est le sol, la lune est insolente. Elle ressemble à une coupe pleine. De liquide. Quelle délicieuse ivresse à la fraîche nuit. Mais déjà tombe sur nous. La troupe bien fournie des bambus. Avec un voile d'automnal couleur. Simple, c'est tout.